de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Kaina Samet. Passez une bonne soirée, bienvenue, c'est parti pour le Planète Rap avec Kaina Samet qui est la radieuse comme jamais. En mode Lyon, comme jamais. Écoute, c'est gentil, il y a eu du soleil aujourd'hui. C'est, donc. C'est vrai, on a eu on a eu la chance d'avoir quelques éclaircies. C'était mal barré, mais c'est revenu. C'est revenu un peu les nuages là, mais voilà, je suis en mode soleil. Comme la vie. Comme la vie. Comme la vie. La vie est un soleil. Comme ton album, il y a des moments plus tristes, des moments exactement, plus chaleureux. Voilà. De... Bah ouais, c'est vrai qu'un album, c'est un peu la bande originale de nos vies. Exact. Et dans nos vies, qu'est-ce qui se passe? Il y a des joies, il y a des pleurs, des peines. Voilà quoi, donc... Des questions. Des réponses. Des réponses. On peut faire toute la soirée on comme peut ça. Passer la soirée comme ça, en effet. Mais ça va, tu vas bien, toi, c'est ouais, bah et toi hein? Bah super. Bien passé? Ouais, nickel, on ça a passé une bonne quoi, journée. Les journées de Kaina en ce moment? En ce moment, pas mal d'écriture, pas mal de promos. Encore t'écris, là? Ouais, et pourquoi pas? Bah pourquoi pas. Là, il se passe des choses et je ressens des choses... Non mais je me dis que là, comme voilà, t'as quand même passé deux ans sur un album. C'est vrai qu'à un moment, je lâcherai un peu le truc. Mais c'est vrai que depuis le début de ce projet, en fait, j'ai comme une renaissance et tu vois, la créativité est beaucoup plus fluide, on va dire. Je me concentre moins, je me pose moins de questions. Il me passe des phrases par la tête, je les mets dans mon, tu vois, je les mets dans mes notes, dans mon téléphone, et voilà. Après, ça fait des débuts de morceaux, machin. Faut tout noter, quoi. En même temps, ça doit être terrible parce que dans un mois, on est à un mois de la sortie. Ouais. Donc tu dois dire putain, je refais tout. Grave, je refais tout l'album. Bah ouais, c'est ça qui est voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais l'album arrive dans un mois. Ouais, là, tu touches plus à rien là. C'est. Non, il est terminé. Il est déjà. Je peux déjà plus le toucher depuis. Parti en fabrication ou pas encore, non? Ouais. Bah écoute, je crois que c'est ce qui est en train de se passer. J'ai pas après les détails. Tu le suis pas. Tu sais pas où il est parti. De la fabrication du disque. Mais en tout cas, j'ai fait mon devoir. J'ai rendu mon travail. Donc. Voilà, j'ai hâte de le faire découvrir aux gens qui nous écoutent, à ceux qui m'écouteront, même s'ils sont pas là ce soir. Je remercie encore toute la brigade Kaina Samet, les Kaina Soldiers, les gens sur Twitter, Instagram, Facebook, qui envoient des messages, ici même en direct à la radio. Je vous vois, je vous lis, mes soldats, vous êtes au max. Donc l'album, c'est Thug Wife. Depuis lundi, donc il est en précommande. On peut y aller, on récupère en plus trois morceaux. Donc, on récupère trois morceaux, dont Mon Paradis. Le clip est sorti lundi. Vous pouvez aller le voir sur ma chaîne YouTube officielle. Et on va, comme d'habitude, commencer l'émission avec ce titre. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est Mon Paradis. Ah, c'est toi qui as pas le contrôle. Je peux même pas en placer une en fait. Bah attends, moi je me. Hein, je m'installe. Non, tu as oublié quelque chose. Ah. On a oublié le petit replay de la veille. Oui. Que s'est-il passé hier soir avec Kaina dans l'émission? Ouais. Que s'est-il passé? Eh bien, raccourci, hein. Une minute d'une heure. Voilà. Voici le résultat. Et voici ce qui s'est passé hier soir dans l'émission avec Kaina. Toujours autant de plaisir de chanter aussi. Ouais, je suis passionnée. Je pense qu'on l'a compris. C'est mon troisième album. Ça fait un moment que je suis là. Et voilà, j'ai toujours la flamme. Est-ce que Kaina a voulu arrêter sa carrière après le morceau Écorché vive? Vrai ou faux? Faux. Tiens, c'était ce morceau-là, écoute bien, ça va être que concentre-toi. Ce matin, je me sens pas bien, je me sens pas belle et pas comprise. Bravo, c'est bon. Le sourire posé sur ton visage, l'odeur du jasmin sur tes doigts. Et je me dis que les meilleures années de ma vie sont restées derrière moi. Tu me manques. C'est Kaina, notre invitée. Ouais, c'est moi, je crois qu'on le sait, hein. Ah bah c'est on moi, le sait. C'est Kaina. Et on a oublié quelque chose dans le replay, mais c'est vrai qu'on a eu une exclue, une grosse exclue hier, puisque t'as balancé un morceau qui figurera sur Thug Wife. Ouais, c'est vrai, c'est Kingston. Kingston, qu'on a pu découvrir hier avec un gros son pareil. Ouais, carrément. Franchement, j'ai reçu plein de messages. Le morceau est mortel. Donc, merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs impressions, encore une fois. Donc, ouais, on voyait les messages passer avec les paroles qui défilaient. Franchement, c'est que du bonheur pour moi. Yema aussi, c'était cool. Donc voilà, ce soir c'est encore une autre ambiance. Et c'est une autre ambiance, il y a un invité aussi qu'on va présenter dans quelques minutes. Ouais, il y a un invité ce soir. Il y aura du live. Il y aura du live ce soir. Et puis voilà quoi, on va se déconnecter. Je te laisse présenter ton morceau comme t'as pris le contrôle de l'émission, vas-y. C'est le moment où j'aimais de le balancer. Alors, comme je le disais tout à l'heure, lundi est sorti Mon Paradis. Vous pouvez voir le clip que j'ai eu la chance de tourner en Espagne dans un magnifique décor. Mmh. Et voilà, c'est un morceau qui me tient énormément à cœur. Et pour ceux qui l'ont pas encore entendu, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Kaina Samet, 23 juin dans les bacs. Loupez pas Thug Wife. Dans mon rêve, j'écrivais des poèmes. Je me voyais te les chuchoter à l'oreille. Et je pensais pouvoir toucher les étoiles là-haut sur tes épaules. J'ai rêvé que je te serrais dans mes bras. Que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid. Et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Papa, repose en paix, repose en paix. Ils me diront c'est la vie qu'on a plus tôt. Chaque sapin de Noël, être auprès de toi était déjà pour moi le plus beau des cadeaux. Je te voyais souriant dans mon sommeil. J'espérais que jamais rien ne me réveille. Et tu seras toujours présent dans ma mémoire. J'ai ta voix qui résonne. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. J'ai rêvé que je te serrais dans mes bras. Que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid. Et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Papa, repose en paix, repose en paix. Ils me diront c'est la vie qu'on a vu tôt. Un beau jour le paradis ouvre ses portes. Moi j'ai promis à maman de rester fort. Papa, repose en paix, repose en paix. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. J'ai ta voix qui résonne. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. Reste, reste, reste, reste auprès de moi. J'ai ta voix qui résonne. J'ai rêvé que je te serre dans mes bras. Que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid. Et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Papa, repose en paix. Le 23 juin dans les bacs. Le 23 juin dans les bacs, en effet. Ouais. L'album Thug Wife, où vous retrouverez ce morceau. Il y a le clip, les images. Allez mater le clip aussi de Kaina Samet, ouais, qui est arrivé lundi. Voilà. Donc, on découvre cet album par petits bouts. Des petits bouts. On a un medley où on en sait un petit peu plus aussi sur l'album, puisqu'il y a un medley qui a été réalisé par First Mike. Exactement. Et donc, qui a survolé un peu l'album. On peut déceler quelques petites mélodies par-ci par-là. Tiens, peut-être qu'on va le remettre dans un instant. Peut-être qu'on va le remettre dans un instant. Le temps peut-être de présenter aussi notre invité juste avant. Exactement. Notre invité, en fait. Ton invité. Mon invité. Ton invité. Mon invité, mais comme on est tous autour d'une table, n'est-ce pas ? C'est notre invité à tous. Exact. C'est monsieur l'artiste qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Ça va ? Ça va, ça va. L'artiste, hein, c'est son nom d'artiste. Son nom d'artiste, c'est l'artiste. Voilà. Et ça donc. Ça va, tranquille, frère. Ouais. Voilà, hein. Et alors pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que pourquoi je me suis déconnecté. J'ai laissé mon répondeur zéloné. Hey ! Hey ! Et donc, voilà, on a fait un son dernièrement. Mm-hmm. Et voilà, il y a beaucoup de retours autour de ce son. Je pense que voilà, ceux qui nous écoutent peut-être l'ont vu passer ou pas. Le son s'appelle Déconnecté. C'est sur la compile d'un ami qu'on a en commun qui est Didier Hamida. Ouais, oui. Voilà, le roi des... Non, je ne vais pas commencer à le vanner parce que c'est pas bien, il n'est pas là pour répondre. Oui, c'est mais dommage. Voilà, il sort des projets régulièrement, voilà, souvent dans les périodes estivales. Donc, il fait beaucoup danser les gens et voilà, il donne beaucoup de morceaux, il enjaille les gens. Voilà, donc il m'a demandé de participer au projet. Tu connaissais l'artiste ? Je connaissais l'artiste parce que on est de la même équipe en fait. Mmh. Voilà, il est chez 609 et franchement, vous allez entendre parler de lui parce que le mec s'est chanté, le mec s'est rappé, il y a des morceaux street, il y a des morceaux tu vois qui te donnent envie de danser, il y a de la musicalité aussi un peu hispanique, tu vois, dans sa musique. Et voilà, c'est franchement le bon compromis de tout ce qu'on aime entendre. Donc retenez bien son nom, c'est l'artiste. Et c'est lui dans le refrain de toute façon on va le passer tout à l'heure le morceau. Mais voilà quoi, pour les présentations, je pense qu'il va en dire un peu plus sur lui. Il vient du 9-3 et voilà. Et ben j'ai demandé un petit CV express, donc allons-y. Un petit CV express. Bah déjà merci de l'invitation, merci à Kena. Avec plaisir, normal. Voilà quoi, fidèle à toi-même, ouais. Je te connais. C'est gentil, non, normal. Voilà, je sais pas, l'artiste, 93, 28 ans, 15 ans de rap. Passionné de musique. Mmh. Pas prétentieux du tout. Ouais. Mais t'as raison. C'est pas prétentieux du tout. Ouais, non, voilà, l'artiste, parce que voilà. Comme ça, d'ailleurs, c'était venu d'un seul coup, tu t'es dit, tiens, pourquoi je m'appellerais pas l'artiste ? Non, parce qu'avec quelques zigotos qui sont dans la pièce, là, on regardait le film Hit, ouais. Tu vois, mmh. Et on s'appelait après l'artiste derrière, tu vois. Comme dans le film, ils s'appellent tous l'artiste, tu vois, c'est resté. C'est tout, rien de... Bon, on a pu t'entendre aussi sur des morceaux aussi récemment. Ouais. Ouais, sur des morceaux qui sont sortis de mon album, qui est sorti le 4 juillet dernier, chez Hostile. Mmh. Cet album-là, ouais, il y a eu trois titres. Envoyé, Postscriptum, M'évader et Liuma, toi et moi ce soir. Voilà, j'ai un style un peu particulier. D'accord, bah on pourra le découvrir en live tout à l'heure. Ouais, grave. En tout cas, il tourne grave. Et voilà, les gens qui sortent, qui aiment bien faire la fête, le connaissent parce qu'il a des hymnes du ghetto, tu vois. Qui tournent pas forcément à la radio, mais. Toi, Kaina, par exemple, l'hymne que tu aimes. Moi, de lui, ouais. Franchement, la première fois que j'ai vu une vidéo de l'artiste, c'était sa reprise de D-Band. Oliver Twist. Ouais. Oliver Twist. Tiens, c'est ça. C'est ça! Ouais. Tu vois? Ben voilà, ben lui il a eu la bonne idée de le reprendre. Et voilà, c'était lourd. Ouais. Donc, moi je vois la vidéo, tu vois, je vois un mec qui chante comme ça, qui reprend le même flow que le mec. Je vois, le mec, c'est un rebeu, mais il a une voix de Renoir. Enfin, je sais pas, ça m'a fait un délire. Et en toute simplicité, quoi, tu vois, devant la voiture qui était même pas à lui, tu vois. Allez voir la vidéo, le titre s'appelle Remettez sur YouTube. Mais pour ceux qui connaissent, voilà, savent déjà. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui. Et puis, il est dans mon équipe. Donc, j'ai eu l'occasion, encore aujourd'hui d'écouter son travail. Parce qu'il travaille beaucoup. Il est beatmaker, il est chanteur, il est rappeur. Voilà, c'est. Donc, complet. Voilà, la nouvelle génération, tu vois, ils savent tout faire. Et l'artiste, franchement, c'est lourd. J'ai écouté son projet. Je sais dans quel état d'esprit. Ça me fait rougir. Non, mais voilà, on est là pour présenter. Voilà, faut dire qui est là. Donc voilà. Mais de toute façon, on va faire un petit live tout à l'heure. On va laisser la musique parler. On écoutera le live tout à l'heure ensemble. Voilà. Ok, pas de soucis. Et puis là, on l'avait promis. Voici le medley de Kaina que vous attendez. Le Thug Wife medley où vous allez reconnaître des petits bouts de morceaux. Extrait de l'album qui sortira le 23 juin prochain. Ouais. On n'en dit pas plus. Plus. Vous réagissez avec le hashtag Kaina Samet sur Skyrock. Ouais, donnez-nous vos impressions. Si vous avez retenu une phrase, un refrain, un truc, ça m'intéresse, quoi. C'est cool. Et bah, les coups d'envoi pour ce morceau, ce medley. DJ First Mike. Il avait les mots, j'étais sous le charme, à deux sous le préau, préau, préau. Il avait les clés de mon vague à l'âme, il était mon héros, héros, héros. J'ai masqué les bleus, sous le mascara, j'ai tombé de préau, préau, préau. Vivre sous les coups d'un homme est un fléau, fléau, fléau. Nous y est, nous y est, nous y est, il m'a bousillé. All my life. moment j'ai laissé aller. J'ai dû faire avec tes défauts, mais je ne vais plus chialer. Et je ne cherche plus aucun remède. Froide, glacée par les regrets. Le temps était si long et j'ai presque failli perdre la tête. Toi, tu es comme un secret qu'on partage pas. T'as ressuscité mon cœur, t'es my love. Et ouais, t'es my love. Et be all in love. Love. Et be all. Voilà pour le medley de Kaina. Ouais. Avec ce morceau qui conclut le medley, le Hey Beach. Voilà, le medley il est dispo sur ma chaîne YouTube, très sur bien. Facebook officiel, ou si vous voulez le réécouter, ou si vous voulez l'apprendre par cœur. On peut. Voilà. D'ailleurs, on en est où dans les par cœur? Parce que demain, il y a un événement demain transition soir. Mais quelle transition! Merci, tu m'as filé. Ouais, t'as vu, je suis comme ça. Tu m'as aidé, ouais, t'es trop forte. Eh ben écoute, la transition est bien faite. Rappelons que lundi, tu as lancé un grand concours dans l'émission. C'est ça. Pour venir chanter en direct demain, entre 20h et 21h. Exactement. Eh ben figure-toi que j'ai trouvé trois personnes. Ah, trois carrément? Ouais, trois personnes. Une, deux peut-être, mais trois c'est bien. Un garçon, deux filles. Franchement, il y a un level. Ça m'a super touchée. Et Jenna qui est avec moi, voilà, qui m'a, avec qui j'ai regardé les images. Je lui disais tout à l'heure, mais c'est un truc de fou de voir... l'investissement des gens, tu vois, les voir chanter ton titre. Donc ils ont récupéré le couplet et le refrain. Voilà, sur ils ont fait leur propre interprétation. Donc c'est ça qui m'a touché, c'est que ceux qui vont venir, en tout cas, c'était pas scolaire. Ils ont vraiment mis leur patte. Et donc on va les entendre demain. Et puis je vais dire donc ce soir qui a gagné en fait le concours. Et bon, on les verra demain. On va le dire dans un instant. Juste avant, j'ai une petite surprise pour toi. Ah bon? Je te déteste déjà. Bah, tu me diras après. Il faut que tu dises allô et reconnaître l'invité mystère par téléphone. Ah, ça va. Hello. Allô. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Alors, l'invité mystère, un indice pour que Kaina puisse te reconnaître. Dis-moi tout. Déconnecté. Wouh. Hey, je suis sûr que t'es tout bronzé en foireuse. Ah ouais, c'est en live de Marrakech, ma gueule. On parlait de lui il y a quelques minutes. Ouais, avec l'artiste qui est là aussi, hein, que tu connais évidemment. Bah ouais, normal. C'est le fameux DJ Hamida. Yeah. Qui est partout dans le monde entier. Il est dans le monde entier. Écoute, il y a deux jours, il était à Dubaï. Là, il est à Marrakech. Demain, il se barre au Liban. Le mec fait le tour du monde avec sa chicha. On est obligé. On est en mode tournage de clip. On est obligé. Cool, c'est cool. Pour ça qu'on ne te voit plus. Tu viens plus, en fait. Bah ouais. Oui. Comment ça va, Hamida? Nickel. Très, très bien. Sous le soleil de Marrakech. On est en mode déconnecté. Tournage de clip avec la colite One Shot. Ça tourne le clip. On est là. C'est cool. Eh, il y a l'artiste qui est avec moi là, tu sais, il manque tout toi et gros big up à Youssef, je suis dans ta ville. On est à domicile. Meknesi style, DJ Hamida. On est là. Donc voilà, je voulais juste te faire un petit big up, une petite surprise pour te soutenir pour ton projet, hein. Ma foi. Le 23 juin. Ouais. Alors, je vais pas foutre la merde, mais quand même tu l'as pas reconnu, hein. Non, mais. Vous appelez pas assez, en fait. Bah, écoute, on est plus Insta, on est plus Twitch, on est plus dans le futur, tu vois. Ouais. Mais, ou alors on se voit et on se parle de visu, quoi. Il serait 1, 2, 3. S'il avait été à côté de moi, je l'aurais reconnu, mais ça, c'est normal. Ouais. Mais, Eh, Hamida, qu'est-ce que j'allais dire? Lourd, il arrive son projet, donc t'es en train de clipper quoi là? Donc alors, Là, je suis en train de clipper hier j'ai clipé Mister You et aujourd'hui c'était le TK. Alors c'est quoi le projet? On l'entend quand? Le 2 juin, j'ai mon premier projet en officiel qui sort là. Mortel. À la Bien Mix Party, le 2 juin. À la Bien Mix Party, il est dispo en précommande aussi? Voilà. On est total. On a balancé le clip déconnecté, et puis voilà, tout se passe bien. En moins d'une semaine, on a plus de 400 000 vues. Allez, ben, combien? Plus de 400 000 vues. Mortel. Et ben, en moins d'une semaine. Il y aura 400 000 une vue. Ouais. Ou écoute, dans un instant, puisqu'on va le balancer. Ouais. Dans quelques minutes. Nickel. Juste après la pub, on le mettra. Donc, c'est le projet qui sort le 2 juin. C'est un extrait du projet. Voilà. On te retrouve dessus aussi, Kaina. Voilà, on me retrouve. Je fais un gros big up à Rimka aussi, qui est déconnecté, lui, pour le coup. Il est pire que déconnecté. Il est encore pire que moi. Lui, il est pas là. Il est pas là. Bon, bah, merci d'avoir été avec nous, en tout cas, ce soir. Y a pas de problème. Gros bisous en live de Marrakech. J'ai envie de te dire, profite bien, mais je pense que ça m'a l'air plutôt bien parti. Ah, non, mais tu vois, les photos qu'il poste, il fout seum. Ce jour, il est dans le désert. Il est énervant. Eh ben, passe une bonne soirée, là-bas, du côté de Marrakech. Et on t'attend. Merci. Et on écoutera le morceau déconnecté juste après la pub. Bougez pas, on vous attend au freestyle de Planète Rap. Les résultats, les trois personnes qui vont nous rejoindre dans le studio, qui vont rejoindre Kaina, ce sera demain entre 20 et 21 pour le live. C'est ça. Un live exclusif. On vous révèle les noms dans quelques minutes. Et ben, bougez pas, le programme est chargé, on vient après ça. Kaina Samet a choisi Planète Rap. J'ai choisi Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Non, entre 20h et 21h, elle a pas été ailleurs. De quoi? C'est sûr, elle a choisi Planète Rap. J'ai choisi Planète Rap. Elle était là. Qu'est-ce qu'il y a? Elle était là et elle sera là encore jusqu'à demain entre 20 et 21. Yes. Pour la sortie de l'album, on a un mois de la sortie de l'album de Kaina Thug Life. Ouais, l'air de rien, c'est dans longtemps quand même. Moi j'ai un sacré suspense, hein. Je dors plus très bien. Je sais. Mais bon, écoute, tu es prêt, tu es bien, tu es soulagé. Ouais, franchement, je suis soulagé. D'ailleurs, quel recul t'as un peu, toi, sur ta carrière, parce qu'on peut parler de carrière, hein, ça y est, c'est... Écoute, ma foi, ça me dérange pas, mais c'est vrai que j'ai du mal. Je regarde surtout vers l'avant. En avant, pas trop. En fait, au moment où je fais les choses, je les fais, et puis après, je passe à autre chose. Donc, on me parle des choses que j'ai pu faire, et ça me rappelle à moi-même que j'ai fait des choses. Et c'est comme ça que ça se passe. Non, mais tu réécoutes pas les autres albums, les autres morceaux? Franchement, rarement. Vraiment, c'est rare. C'est parce que je dois tomber dessus comme ça par hasard. Mais sinon, moi, de moi-même, je vais pas forcément réécouter ce que j'ai fait. Mais on me fait des retours, on me parle de tel ou tel titre. Donc voilà. C'est comme ça. T'avances et tu attends. Donc tu vas marquer avec une croix énorme sur le calendrier 23 juin. Voilà, sortie de mon nouvel album. Ça fait deux ans que je suis dans un élan, dans une avancée. Je mets les morceaux ensemble, les uns après les autres, jusqu'à arriver à un certain nombre. Après, on en a sélectionné certains et voilà, hein, comme d'hab. Là, c'est le moment où il faut lâcher le bébé, donc je l'ai déjà lâché. Mais je suis super contente, donc j'ai hâte d'avoir les retours, voilà, et puis de pouvoir aller rencontrer le public, faire des concerts. Faire des concerts un peu. Il va y avoir pas mal de dates au mois de juin et juillet-août aussi, donc je balancerai toutes mes dates sur mes réseaux sociaux comme d'habitude. Ceux qui veulent venir me voir en live, parce que c'est bien aussi le live. Bah c'est même encore mieux, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est différent, on va dire. Voilà. Parce qu'en studio, c'est vrai qu'on est beaucoup seul. Je sais pas, l'artiste, que t'en penses. On est, disons que voilà, on marche avec plein de gens. Voilà, on a plein de soutien autour de nous. Mais le moment de la créativité, c'est vraiment toi face à ta feuille blanche, face à ta recherche, quoi. Toi et tes angoisses. Ouais, voilà. Et puis le concert, par contre, alors là, c'est. Le concert, tu lâches tout et t'espères et que. Et tu donnes tout. Et tu donnes tout, voilà, exactement. Sur scène, donc au mois de juin, pas mal de concerts pour toi. Ouais, mois de juin, en région parisienne notamment aussi. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui me demande. Donc vous inquiétez pas, je vais faire des concerts. Les dates vont être bientôt communiquées. Et voilà, pour avoir fait le point dernièrement, il y a quelques petites dates qui arrivent, donc c'est cool. Eh bah terrible, c'est une bonne nouvelle. Le Maghreb aussi, normalement, l'Algérie, le Maroc. Inch'Allah, ça serait cool. Eh bah allez voir Kaina sur scène, yes, à partir du mois de juin et puis pendant très longtemps. Ouais, on l'espère. On va mettre le morceau, on l'avait promis juste avant le morceau extrait du projet de DJ Amida qu'on avait en ligne, ouais, il y a quelques minutes. Ouais. C'est déconnecté. C'est déconnecté. Voilà, un gros délire tous ensemble. Et c'est le son de l'été, moi je te le dis. C'est Force Mike qui balance le morceau. Il y aura du live avec l'artiste qui est aussi ton invité ce soir dans l'émission entre 20 et 21. Yes. Donc ne loupez pas un seul moment de ce Planète Rap avec Kaina Samet. Force Mike. DJ Amida. Kaina Samet, Rinka, l'artiste sur Skyrock. J'ai besoin d'air, claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air, couper mon fun et me barrer tout l'été. Oh, moi je veux voir les visages briller et voir mes potos kiffer. L'odeur de la viande crier, on est tous là pour kiffer. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté, je mettrai ce répondeur tout l'été. J'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne me rappelle pas, je suis pas là. La la la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je fais le hella. Ne me rappelle pas, je suis pas là. La la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mon bras. Je suis sous le soleil et je me balade. J'efface mon pas, c'est maudit. J'ai mis les bagages dans l'audi. Je vis sous le ciel gris de Paris. Mais je veux la même vue qu'à Bali. Le quotidien m'a rendu aigri. Et donc je démarre la caisse. Les vitres et les lunettes fumées au feu rouge. Toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook. Tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'Espagne, je pars vers la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de jus, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Je coupe le son et l'image, je fais un bisou au village. J'ai l'air, j'ai pris le large. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté, je me mettrai sur le bon. J'écouterai du Biggie, yeah, pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je ferai la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas. Hey, y'a du monde là, j'entends rien du tout, ma parole. Hey, du bordel dans le studio là-haut. Je suis pas là, mes comptes, avec mes gars, je suis sous le soleil et je me balade. Wouh! Hey, le téléphone fait que sonner. Désolé, je suis pas là. Hey, gros amant, tu vas parler. Votre ma tête est malade. Hey, aujourd'hui, faut que je me pose au soleil. Je tire d'ici. Et tout le monde ne m'appelle pas. Je suis pas là, la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je fais le hala. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec ma mère. Je suis sous le soleil et je me balade. La la la. DJ Amida, la la la. On a fait un mix party. La la la la la la. Hey DJ Amida, mon pote. Purple Money. Je suis pas là. Je suis pas là, je suis avec Fred sur Sky. M'appelle pas la la la la la la la la la. À l'instant, en live, pratiquement. Le morceau s'appelle Déconnecté, celui-ci. Ah ouais. Je suis pas là. Je suis pas là, la la la la. Je suis avec mes gars. Je suis avec mes gars, je suis sous le soleil. Je me balade. Ne m'appelle pas. Je suis pas là. La la la la la la. Bon, il y a du monde dans le studio, vous l'avez entendu. Juste tout le soleil, je me balade. Et ça lâche rien, jusqu'au bout, à l'instant, c'est déconnecté le morceau. On retrouve Kenya Samet sur le projet DJ Mida qui sortira, il l'a dit, le 2 juin. Le 2 juin, exactement. Le 2 juin. Donc, il est en précommande, l'album est dispo le 2 juin. Comme le tien. Voilà. Non, moi, le mien, c'est le 23 juin, mais le mien est en précommande. En précommande, les deux sont en précommande, c'est ce que je disais. Précommandez les deux. C'est bien, c'est une bonne idée, allez-y. Voilà, avec... franchement, il va vous ambiancer. Kaina, dans un instant, il va y avoir du live. L'artiste est là. Eh ouais. Dans un instant. Nom d'artiste. L'artiste. L'artiste, ouais, c'est son nom d'artiste, ouais. Voilà. Vous allez faire du live tous les deux. Yes. D'ici quelques minutes, mais juste avant, je vous présente Yanis, F2L de Sartrouville. Salut Yanis. Ça va quoi? Ça va et toi? Salut Yanis. Ouais, tranquillement. En pleine forme. Cool, cool, on est là. Tu connais Kaina? Ouais, Propre les sons, j'étais en train de m'enjailler déjà au téléphone. Non, merci frérot, c'est gentil. Tu déchires, mortel. Eh ben écoute, on va s'enjailler avec toi maintenant Yanis, si tu es prêt. Vas-y, on va voir. Hein. Allez, c'est parti, session freestyle. Vas-y. Par téléphone, on y va. Ok. Y-A-N-I-S. Faire de l'ombre. Ok. Ça vient de faire tromper. Ok. Ok. Ok, je rappe très vite, mais je rappe terrible. J'ai taqué ta meuf, appelle ma John Terry. J'avais la musique comme une bactérie. Eh, hey, MC, là, c'est mieux si tu bactéries. Moi qui ai fait ta vie, tout back. Qu'est-ce qui t'arrive, t'es tout pâle, même dans les zones arides. Moi, je suis tout back, gros, t'es buteur à pute, toi, t'es tout nazi, grec, n s le black, mec. Pas dans religion, si tu blasphèmes, faire un petit avec toi, la flemme. Si tu sais pas quoi dire, la ferme, on est quitte. Dans ces cas-là, on s'évite. Dolce & Gabbana, Italie. Quand je t'appelle, t'es pas là, maintenant fais ta vie. Ta maison est chine, TZ. T'es nulle part, on t'entend plus. Tombé dépaumé, désert. Et t'es fier de toi, fils de Si t'as pas l'oseille, tu perds. Vois, quand tu vois tes pieds, ça baisse. Vois, les gros assassines quand je débarque. Des mains j'accélère avant le débarque. Des débats, que de la cocaïne. Ouais, sur mon bureau, je percute tous les haines. J'ai pas d'en faire du rassal. C'est mon boulot, oh t'es j'enculé. Tu la game, ça baisse, les toi et ta team. J'assassine, je veux pas qu'aime par ton numéro. Non, négro, je veux la fouille à foutre. Ok, Yanis, à l'instant de se retrouver. Bien, Yanis. Si, Yanis. Énervé, Yanis. Énervé à la fin. Merci, ouais. Merci. Cool. Merci d'avoir appelé. Bah, merci à toi, Yanis. Il y a pas de souci, ça marche. Des dédicaces? Bah, bien sûr, dédicaces où on peut te retrouver sur le net. Vas-y, c'est le moment. Ouais, alors mon Twitter, c'est YanisF2L. Ouais. Il y a un gros son qui va sortir demain à 20h qui va s'appeler Belle VCK en featuring avec Burkadabra. Pour que le plus de gens soient connectés sur ce son, parce que j'ai envie du temps à le travailler pour qu'il soit bien parfait, bien propre. C'est bien, c'est bien. Il est vraiment lourd. Et je voudrais dédicacer, alors grosse dédicace à DJ Prat, à toute la scène, John, mon chéguet de Gennevilliers, Melvin de l'Esplanade, Doux de la Zup, Mehdi des Carreaux de Sanois, Libou des Sablons, Akimo, Yanis, Tadjo du 8-4, Big Up au frérot Tom, à Brahim le Manche-Croûte, au frérot Axel et Nico, je vous oublie pas. Dédicace à ma team Salo, gros big up au lycée Jean Jaurès d'Argenteuil, devant Balance Belle VCK à 20h, soyez prêts, ça vient de Sartrouville. Eh ben ça roule, merci à toi Yanis. Merci Yanis. Salut. Et à bientôt. Ciao. Du côté de Sartrouville. À bientôt, bon courage. Il est grand temps de passer au live maintenant. Est-ce qu'on donne... Non, il y avait un autre truc. Les gagnants, okay. On va les donner dans un instant. D'accord. Mais le portable, parce que je suis très inquiet, je ne vois pas le portable. C'est vrai, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un de ton équipe qui me l'a piqué. Ah. Charge un numéro de meuf ou quoi? Voilà. Non, c'était. Qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est parce que il avait le chargeur en fait, donc c'est pour ça que tu le vois pas sur la table. Ça charge. Mais de quoi je me mêle? C'est mon téléphone, je fais ce que je veux. C'est vrai, mais je le voyais pas là. D'habitude, je le vois. C'est vrai. Il sonne et tout. Non, mais t'inquiète. Ça a encore beaucoup appelé. Plus que jamais. Bah ouais. Mais on peut joindre quelqu'un. Est-ce que je balance encore le numéro? On refile le numéro. Alors écoute, le numéro de téléphone. Tiens, et laissez des messages sur le répondeur de Kaina. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose avec. Donc allez-y, le numéro c'est 0666. 41. Alors, c'est le numéro, excuse-moi, c'est 0666 31 92 44. Voilà. Comme ça, tu le sais? Eh ben, je le sais maintenant, et on peut joindre Kaina là, à partir de 21h et voilà, toute la nuit. Vous m'envoyez des toute messages. La nuit, n'hésitez pas à vous bombarder. Pourquoi la nuit? Je sais pas, comme ça. Ah, la nuit, j'essaye de dormir. Bon, vous êtes prêts pour live maintenant? Mais bien sûr que l'artiste est là aussi. On est des live, nous? Bien sûr. Ah ouais? Ouais, je suis plus à l'aise pour chanter que pour les interviews. Eh bah, c'est parfait, c'est bon bien, c'est l'heure de chanter. First Mike est au platine et on y va. Coup d'envoi. Yeah. À tous les frères disparus, ça va. D'accord. Yeah. Pour ce Molekai. l'artiste Kaina Samet sur Sky. 23 juin dans les bacs. Yeah. Combien de frères vivent de la bicrave mais ne l'assument pas? Engraine les plus petits qui eux ne fument pas. C'est une des conséquences quand ça fait clic bas. Regrette leur vie de merde mais ne la quitte pas. Combien d'embrouilles entre cités avant de se serrer les coudes. Nos imams, on ne marie trop de linceul la coudre. Ça fait là, c'est sur nous que ça bat la foudre. Je te parle avec le cœur mais je sais bien que t'en as rien à foutre. On s'arme comme des tchétchènes, c'est la maille quand j'ai cher. Je viens de prêcher qu'à force de pécher, et bah tu pécher. Ça me fait bégère quand je vois les frères faire leur guéguerre. S'entretuer juste pour un terre-terre. Et ça fait bien de faire le fou. T'as 1000 euros en petite coupure et tu crois que t'as des sous. Pendant que Babylone te pèse, toi tu fumes ta marijuana. Ouvrez les yeux, la plus d'esclaves, plus de boana. Petit écoute, plus je grandis, plus la vie c'est court. On t'a menti si on t'a dit que la vie c'était cool. Maintenant tu sais, mais ne dis pas que maintenant tu sais tout. Car comme nous tous, tu n'apprendras qu'en prenant des coups. Tout le monde est fou, on vit dans un monde paranormal. Si on prend des sous, sache que la nuit pourtant on dort mal. Merde, c'est le revers de la médaille. Le chétan nous attend, chacun a sa faille. Ma sœur, je crains que tu ne sois qu'une victime des panneaux publicitaires, de la bande et du bling bling. En boîte, je flippe quand je vois des petites de 15 piges, putain. Qui va relever nos défis dans 10 piges. Passer tes rêves de jeune fille, y'a plus de prince charmant. L'amour s'est fait violer, merde, c'est à la main. Oh, ça passe d'attouchement en accouchement. Ma sœur, ne vois-tu pas qu'on se meurt tout doucement. Ne te laisse pas entraîner, ne te laisse pas engrainer. Sur des pentes où il est impossible de freiner. Ni soumise ni traînée, vous êtes l'avenir de nos quartiers. Ne prendez jamais vos âmes pour un sac quartier. Car chaque quartier a ses principes, ses codes, ses valeurs. Tu peux être une femme libre, mais libre avec ton honneur. Ouvrez vos cœurs, vous êtes les maires de demain. Si c'est écrit, le bonheur croisera vos chemins. Tu écoutes, plus je grandis, plus la vie c'est court. On t'a menti si on t'a dit que la vie c'est court. Maintenant tu sais, mais ne dis pas que maintenant tu sais tout. Car comme le test, tu m'apprendras qu'en prenant des coups. Tout le monde est fou, on vit dans un monde paranormal. Sache que la nuit pourtant on dort mal. C'est le revers de la médaille. Je sais pas, nous attend, chacun a sa faille. Kaina Samet, l'artiste sur Skyrock. Faites du bruit si vous faites d'air dans le studio, j'appelle. Yes, I. L'eau. Hey. Alors Fredo. Thug wife. Moi je dis on continue hein. On continue. On s'arrête pas là hein. Yeah. Bon. Lourd. Par contre pour celle-là s'il vous plaît. Pour celle-là vous la connaissez. Dans le studio ceux qui sont là ils la connaissent. Moi j'ai dansé dessus hein. Je peux te dire que celle-ci. Il y a un remix. Attendez un remix parce qu'elle a écrit les... elle a écrit la réponse. Bon, même si t'es en slip chez toi, lève-toi et danse. Ok. Yeah. C'est Purple Money, 609. Kaina Samet, l'artiste sur Skyrock. Kaina Samet, l'artiste sur Skyrock. Kaina Samet, l'artiste sur Skyrock. Comme Recommend de Hit Me. Victoria's Secret. Le Bouddha ne s'ennuie. Dans ce style et laissé. Quand tu m'envoies tes photos, je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos. Rame toutes les tigresses. Fais pas ta Beyoncé. Non. J'ai pas le compte à Carter. Non. Tu vas finir pensé. Non. Je ne dure pas qu'un quart d'heure. Non. J'aime quand tu danses la Zumba. Non. Genre t'es de Sao Paulo. Mais mon pote y'a Rumba. Parce que t'es une Horoto. Le ramadan est fini. Tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garettes et les bouteilles d'alcool. Je te paye un jean, fais les plats. Mais ma chérie, faut le remplir. Si t'as le corps d'un, fais les pas. Panoro, je vais sortir. Au pire, il me reste mes mains. Et les photos de Rihanna. Quelques rouleaux sont pas là. Je suis à bout de ta canne. On y va. Tu es sur Skyrock. On y va. Tu es. Kaina Samet dans les bacs, le 23 juin avec Thug Wife. Thug Wife. Attention. Prends l'auto de Clichy. T'aimes trop faire la fête. Paris c'est pas Miami. Tu crois mettre des disquettes quand tu m'envoies tes photos. Je vois un mec pas balèze. Toi et tous tes potos. Je t'ai bout d'une falaise. Je ferai ma Beyoncé, mais sûrement pas avec toi. T'es bon qu'à Beyoncé. Faut que tu trouves un emploi. T'as pas ramené tes chaussettes sous ta paire de sandales. Le swag d'un Romain Michel. Tiens, je te passe 100 balles. Le ramadan arrive, tu vas refaire le mytho. Prends pour un Qatari et fermer tes rideaux. Mais moi, je sais qui se passe derrière. Tu squattes les sites de rencontres. On connaît tous ta carrière. Mec, on a signalé ton compte. L'amour, ça ne s'achète pas. Au pire, t'auras des tapins. T'as le mental d'un sec pas. Tu prends mal ton baratin. Sur Sky. Ouh. Comme ça qu'on s'amuse dans le ghetto. Faites du bruit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dis-nous, dis-nous. Je voulais vraiment, vraiment te remercier du fond du cœur. Je t'en prie, avec plaisir. Tu sais pourquoi ? Parce que t'es une chanteuse de R&B. Ça fait 15 ans que je fais du rap et c'est toi qui m'invite ici pour ton Planète Rap. Normal. Franchement, bonhomme. Bonhomme. Fais du bruit pour Kenya, s'il vous plaît. Et ça, là, je te fais. Normal, mon pote, c'est l'équipe. Eh, retenez son nom. Ouais. Et je vais en profiter. J'ai un petit morceau là, tranquille. Vas-y, tu vois ? Plaisir. Je veux juste qu'on s'ambiance. Eh, hey, tous mes frérots de Bondi Nord, des carreaux, 95, 93. Eh, hey, derrière moi, on va ambiancer ça. C'est 23 juin, c'est Kaina Samet. Le 23 juin, c'est Kaina Samet. Le 23 juin, c'est Kaina Samet. Le 23 juin, c'est Kaina Samet. Le 23 juin, c'est Kaina Samet. Samet. Aïe. Ok. Si, pas de temps. Eh. Dès que j'arrive, changement climatique. Moi et ma clique, on est vraiment magique. Dès qu'elle nous voit, Tago réplique. C'est automatique, c'est la vie d'artiste, village à cousine. Tu crois que c'est factice, demande à ta cousine. Tu parles de moi, ça c'est la jalousie. Chacune de mes rimes est un coup de fusil. Ferme ta gueule, ouais, laisse-moi faire. Que tous tes gars se mettent à terre. Je vais mettre à terre ma tout blabla. Pour baiser tout le monde, pas besoin de Viagra. C'est ta fête parle, ça devient grave. Obligé de faire la ragra. Les costauds parlent, c'est pas grave. On a les trucs qui font blabla. Le 23 juin, c'est Kaina Samet. Le 23 juin, c'est Kaina Samet. Le 23 juin, c'est Kaina Samet. Le 23 juin, c'est Kaina Samet. Le 23 juin, c'est Kaina Samet. Le 23 juin, c'est Kaina Samet. Le 23 juin, c'est Kaina Samet. Voilà, ça c'était un petit freestyle. Un thug freestyle pour un thug Planète Rap, pour une thug wife. Kaina Samet, le 23 juin, c'est dans les bacs. Faut soutenir, aller acheter. Et ma devise, c'est des bons artistes pour un bon public. Et ça, c'est une bête d'artiste. Kaina Samet, fais du bruit pour elle. Merci. Mortel. Merci, papa. Fredo. Une belle surprise. Eh ouais. Un beau live à l'instant avec l'artiste et ça avec fait toi. Ouais. Ça fait bien. Plaisir. Merci la famille, c'est ouais. Gentil. Merci à tous ceux qui sont là. Hey, on a chaud là. Ah, il fait chaud là, hein. C'est comme ça. Il fait chaud, mais c'est bon. Ouais, ça fait plaisir. C'est bon, ça fait plaisir. Un beau live à l'instant, on finit avec un morceau. Bah, je crois qu'on va remettre le déconnecté. Yes. Ah, tu vas être dans l'ambiance déconnectée. Tu vas être dans l'ambiance déconnectée. Allez, mettons dans l'ambiance déconnectée. Voilà. Amida, gros big up à toi, mon pote. Et puis voilà. Big up à Amida. Faut juste que First Mike me confirme qu'il entend bien, parce que comme il y a beaucoup de monde dans le studio, Hamza. Je sais pas s'il a. Ah oui, il avait remballé First Mike. Il était parti. On va tourner la roulette dans un instant. On vous annoncera les noms des gens qui vont nous rejoindre demain. Alors, je le dis maintenant. Dis-le maintenant. Ceux qui vont venir. Je retrouve mes petites notes. C'est tes petites notes, ceux qui demain pour venir faire le live avec toi. Voilà. Merci. Déjà, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé. Franchement, mortel, vous avez tous déchiré, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut faire un choix. T'as vu, là, je me mets en mode jury, tout ça. C'est vrai. Donc, c'est Linda qui a gagné et son Twitter, c'est Lina Mayenne. Y a Chris aussi, c'est un garçon, il chante mortel bien, il s'appelle Chris Camalon sur Twitter. Et il y a Amandine aussi, mais qui a pas de Twitter, donc elle sera là. Donc demain, voilà, déjà bravo à eux, et puis demain, voilà, on va. Et bah demain, on vous attend. Ensemble. On vous attend demain entre 20h et 21h et vous chanterez avec Kaina. Voilà. Voilà, une belle surprise en tout cas. Franchement, merci à tous. Et avant de se quitter, on les promis, voici Déconnecté maintenant sur Skyrock, c'est parti. Yes. Sur le projet de DJ Amida, 2 juin dans les bacs. Hey. À la bien mixte. Thug Wife dans les bacs. Le 2 juin dans les bacs et Thug Wife dans les bacs le 23 juin. J'ai besoin d'air. Claquer la porte, partir et jeter la clé. J'ai dit j'ai besoin d'air. Couper mon fun et me barrer tout l'été. Oh, moi je veux voir les visages briller et voir mes potos kiffer. L'odeur de la vente crier. On est tous là pour kiffer. Je me suis déconnecté. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté, je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine avec ma belle bronzée. Ne m'appelle pas, je suis pas là. La la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je fais la la. Ne m'appelle pas, je suis pas là. La la la la la la la. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil. Je croise mon pas, c'est mon dit. J'ai mis les bagages dans le dit. Eh, big up à Rimka, t'es où Rimka? T'es où? Il est pas là! Faut que je démarre la caisse. Ouais, gros! Les lunettes fumées au feu rouge, je donne toujours une petite pièce. Je débranche Twitter, Facebook, tout ce qui casse la tête. Dans le sud de l'espoir, je pars faire la sieste. Ne m'appelle pas, je réponds plus. Un peu de weed, un peu de jus, je suis frais, je me fais bronzer les plumes. Un, trois, son et l'image, je fais un bisou au village. Dis là que j'ai pris du lard. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté, je me mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac. Le 2 juin dans les bacs et qu'on peut déjà trouver maintenant. Ouais. Le Déconnecté. Déconnecté, vous pouvez le trouver. Il est sur les plateformes de téléchargement légales ou illégales. Chacun fait comme il veut. L'essentiel, c'est de l'écouter. Faites le tourner. Voilà, enjaillez-vous. Moi, ça me fait aussi du bien, tu vois, de pouvoir chanter des choses un peu plus légères, un peu plus festives. Parce que voilà, il y a ça aussi dans ma personnalité. Bah, carrément. C'est ce qu'on trouvera aussi sur l'album. Exactement. Voilà. Voilà. Toi-même, tu sais. Moi-même, je sais. C'est le 23 juin dans les bacs. Merci à l'artiste d'être passé. Merci à toi, frère. Donc, ça, toujours le projet dans les bacs. Toujours le projet dans les bacs. Toujours le projet dans les bacs. Et la tournée aussi, enfin, je sais que tu tournes pas mal aussi. Ouais, j'ai fait. Bah là, je viens de m'arrêter un petit peu. J'ai arrêté un mois, mais on a fait une 80 dates, un truc comme ça, tu vois. Donc un peu fatigué, mais on reprend avec un nouvel album à la rentrée, une mixtape entre temps. Bah la prochaine date, je peux l'annoncer. Bah, bien sûr, vas-y. Le 31. Ouais. 31 mai. 31 mai. À Saint-Etienne au mix avec Ice Lemcy. Avec Ice Lemcy, à pas louper, 31 mai. Pour tous les gens de Saint-Etienne. Et puis, voilà quoi, merci à Melosa d'être venu, qui sont venus soutenir l'assista Kaina Samet. Ben, merci à tous, hein, franchement, merci à tous les soldats aussi qui sont là. Pour une première, ça fait plaisir. Ouais, ben, écoute, tu reviendras. Et puis voilà, il prépare aussi son projet. On rappelle que l'album Thug Wife est fait en précommande. Oui. Qu'il y a le clip de Mon Paradis aussi dispo, le clip de Déconnecté aussi. Et je voudrais, moi, de mon côté, merci ma pote pour le soleil d'hier, Mélissa, Karima, Inès, Mélanie, tous ceux qui sont là, voilà. Et bah merci à vous. Merci à toi, Fred. Juste avant de se dire au revoir, on va faire tourner la roulette. C'est parti. Yes. Skyrock t'offre le film événement Godzilla et ton lecteur Blu-ray 3D. Salut Fred, ça va? Ouais, je te présente Kaina qui est notre invitée. On te réveille. Ouais, Kaina, ça va? Ouais, toi tranquille. Qu'est-ce qui se passe, Nima? Tu faisais une petite sieste? Ça va. Tu faisais une petite sieste? Non, du tout. Ah, non, okay. T'es à la maison posée. C'est les révisions. Ah oui, ça, elle a un accent, non? Bah, Toulon. Ah oui, excuse-moi, j'avais pas suivi. Bah oui, Toulon. Toulon. Ah ouais, c'est vrai, Toulon. Toulon. Bon courage pour la préparation des examens. Eh bah, bon. Toi, t'as quoi, Nima? T'as des examens qui approchent? Non, en fait, je suis en seconde et c'est juste les contrôles. Ouais, allez, ça va. Tu t'en fous alors? Non, je rigole. Dernière ligne droite, allez, c'est bientôt la fin. Bientôt les vacances. Ouais, ouais, bientôt. On fait tourner, c'est parti? Oui, allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Place de ciné pour aller voir le film événement Skyrock, non pas une ni deux, mais quatre places pour aller voir Godzilla, c'est pour toi. On t'envoie directement au ciné. Film événement qui fait un véritable carton, film événement, film Skyrock. On fait un bisou. Merci, bisous. Bonne révision. Bonne révision. Tu révises et quoi? Ciné. C'est l'histoire, les maths et la Il y a trop. T'en as trop dit là déjà. Ça y est. Déconnecte-toi. Vas-y. Non, bon courage. Bon, fais un bisou. Bon courage. Reste avec nous sur Skyrock. Il y a Difool qui se pointe. Merci à vous encore une fois de plus. Merci. J'allais dire merci Difool. Tu peux. Tu peux, il est là. Merci Difool. J'ai même pas bugué, c'est trop bien. Moi aussi, je vais te dire merci Kaina pour cette belle soirée encore. Écoute, c'était cool, hein. C'était cool. Bah écoute, je reviens demain pour Planet Rap. Super. Je suis le nouvel animateur de Planet Rap. Écoute, super. On vous l'annonce officiellement. C'est officiel dès demain. Ça va très très vite. Purée, ça. Je sais pas, on va pas venir avec le même état d'esprit. Non, ça va, oui, ça va changer un peu. Gardez Fredo, va. Ouais, voilà. Vous pourrez me retrouver pour une émission exceptionnelle de 3h à 4h du mat. Ouais. Ah, génial. Et non, Fredo, Planète Rap sans Fredo, c'est comme, un sandwich sans jambon. Non, je sais pas comment je dois le prendre. C'est comme une fille sans shampoing. Je préfère Kaina, merci. Parce que... ou un garçon sans cheveux, hein. Aussi. Parce que ta comparaison, franchement, je sais pas trop comment. Ah, le coup du jambon. Chelou. Du sandwich, quoi. Du cours même. On sait pas. Peut-être qu'il a faim. Ouais. C'est l'heure de dîner. C'est ça. Non, c'est l'heure de la radio libre. Ah oui, c'est vrai. On peut faire les deux en même temps. Voilà, polyvalentique. Radio libre, tout est possible, faites ce que vous voulez. C'est parti jusqu'à minuit, on arrive dans un instant. Puis demain soir, grosse soirée, c'est la dernière de la semaine. Donc si t'as pas loupé, Kaina Samet demain. Ouais, c'est ça. On a des petites surprises pour demain. Oui, tu sais qu'on a fait. Elle a fait gagner. Des participants. Ah, trois auditeurs. Trois auditeurs qui vont venir chanter avec moi. Qui vont venir chanter avec elle demain. Ça, c'est la grosse surprise de demain, si t'as pas loupé. C'est beau. Bon, on t'embrasse, Kaina. Merci à toi. Merci à vous. Merci, Fredo. À demain. Bisous à demain. Fredo, on aurait pu s'inscrire d'ailleurs. On va chanter avec toi. Mais c'est vraiment maintenant. Sans inscription, moi, je viens. Mais tu n'as pas participé au concours. Mais moi, je viens direct demain dans le studio. Qui, Romano, il veut chanter? Bah, moi, je suis chanteur. Tu sais que je suis le prince du hip-hop. Kaina est terrorisée. Romano, il veut chanter. Ça surprend. Ne me regardez pas. J'ai étonné que tu ne t'inscrives pas, Romano, pour ce grand concours. Non, mais Romano, je préfère qu'on l'appelle. Vous mettiez VIP. Franchement, laisse-moi réfléchir. Ouais. Je te ferai une démo demain. Voilà, à 22h. Essayons. Écoute, il n'y a pas de souci. Essayons. Il n'y a pas de souci, donc c'est pas en direct. Hein. N'en saura rien. Demain, quand vous aurez Romano en direct dans l'émission, ce sera peut-être différent. Oh non. Bon, on sera là en tout cas demain à 20h pour les surprises. Ok, ça marche. 20h, 21h, Planète Rap. Et nous, c'est parti jusqu'à minuit. On est en direct le problème du mois à découvrir tout à l'heure. Avec pour commencer. Oui, pour commencer. C'est le titre du morceau. Putain, on est comme des cons. Alors, tiens, Fredo, on se posait une question. C'est Marine Monster ou Marin Monster? Marine Monster, et en fait, le label s'appelle Monstre Marin. D'accord. Donc, le label de Maître Gims, c'est Monstre Marin. Oui. Et le groupe, c'est Marine Monster. Eh bien, donc, on écoute les Marine Monster du label Monstre Marin. Monstre Marin. De Maître Gims. Avec un projet qui sort fin juin. Avec le morceau qui s'appelle Pour commencer. Et c'est ça. Eh ben, nous, on démarre avec ça, là, tout de suite. C'est parti sur Skyrock dans une minute. On est de retour, et vous nous appelez dès maintenant, si vous voulez faire les cours avec nous, si vous avez un truc à demander, profitez. Ciao Fredo, salut Kaina. Ciao.